Chapitre 14e, Maître Fingret. Voici tout ce qui séduisait les yeux et par conséquent l'imagination des petites fortunes dans les magasins de Maître Fingret, Place Royale. Toute marchandise qui n'était pas neuve, l'enseigne le disait loyalement, mais qui réunit se faisait valoir l'une l'autre et finissait par représenter un total beaucoup plus considérable que les marchandeurs les plus dédaigneux ne l'eussent exigé. Madame de Lamotte, une fois admise à considérer toutes ses richesses, s'aperçut seulement alors de ce qui lui manquait rue Saint-Claude. Il lui manquait un salon pour contenir sofa, fauteuil et bergère, une salle à manger pour enfermer buffet, étagère et dressoir, un boudoir pour enfermer les rideaux perses, les guéridons et les écrans. Puis, enfin, ce qui lui manquait, eût-il salon, salle à manger et boudoir, c'était l'argent pour avoir les meubles à mettre dans ce nouvel appartement. Mais avec les tapissiers de Paris, il y a eu des transactions faciles dans toutes les époques, et nous n'avons jamais entendu dire qu'une jeune et jolie femme soit morte sous le seuil d'une porte qu'elle n'a pas pu se faire ouvrir. À Paris, ceux qu'on n'achète point, on le loue, et ce sont les locataires en garni qui ont mis en circulation le proverbe « voir, c'est avoir ». Madame de Lamotte, dans l'espérance d'une location possible, après avoir pris des mesures, avisa un certain meuble de soie jaune bouton d'or qui lui plut au premier coup d'œil. Elle était brune. Mais jamais ce meuble, composé de 10 pièces, ne tiendrait au 4e de la rue Saint-Claude. Pour tout arranger, il fallait prendre à loyer le 3e étage, composé d'une antichambre, d'une salle à manger, d'un petit salon et d'une chambre à coucher, de telle sorte que l'on recevrait au 3e étage les aumônes des cardinaux et au 4e celle des bureaux de charité, c'est-à-dire dans le luxe les aumônes des gens qui font la charité par ostentation et dans la misère les offrandes de ces gens à préjugés qui n'aiment point donner à ceux qui n'ont pas besoin de recevoir. La comtesse, ayant ainsi pris son parti, tourna les yeux du côté obscur de la remise, c'est-à-dire du côté où les richesses se présentaient les plus splendides, côté des cristaux, des dorures et des glaces. Elle y vit, le bonnet à la main, l'air impatient et le sourire un peu goguenard, une figure de bourgeois parisien qui faisait tourner une clé dans les deux index de ses deux mains, soudés l'un à l'autre par les deux ongles. Ce digne inspecteur des marchandises d'occasion n'était autre que M. Fingret, à qui ses commis avaient annoncé la visite d'une belle dame venue en brouette. On pouvait voir dans la cour les mêmes commis vêtus courts et étroits de bure et de camelot, leurs petits mollets à l'air, sous des bas quelque peu riants. Ils s'occupaient à restaurer avec les plus vieux meubles, les moins vieux, ou pour mieux dire, éventrés sofas, fauteuils et carreaux antiques, pour en tirer le crin et la plume qui devaient servir à rembourrer leurs successeurs. L'un gardait le crin, le mélangeait généreusement d'étoupe et embourrait un nouveau meuble. L'autre lessivait de bons fauteuils. Un troisième repassait des étoffes nettoyées avec des savons aromatiques. Et l'on composait de ces vieux ingrédients les meubles d'occasion si beaux que Madame de Lamotte admirait en ce moment. M. Fingret, s'apercevant que sa pratique pouvait voir les opérations de ses commis et comprendre moins favorablement l'occasion qu'il n'était expédient à ses intérêts, ferma une porte vitrée donnant sur la cour de crainte que la poussière n'aveugla Madame. Sur ce Madame, il s'arrêta. C'était une interrogation. « Madame la comtesse de Lamotte Valois, » répliqua nonchalamment Jeanne. On vit alors sur ce titre bien sonnant M. Fingret dissoudre ses ongles, mettre sa clé dans sa poche et se rapprocher. « Oh, » dit-il, « il n'y a rien ici de ce qui convient, madame. J'ai du neuf, j'ai du beau, j'ai du magnifique. Il ne faudrait pas que madame la comtesse se figurât, parce qu'elle est à la place royale, que la maison Fingret n'a pas d'aussi beaux meubles que le tapissier du roi. Laissez tout cela, madame, s'il vous plaît, et voyons dans l'autre magasin. » Jeanne rougit. Tout ce qu'elle avait vu là lui paraissait fort beau, si beau qu'elle n'espérait pas pouvoir l'acquérir. Flattée sans aucun doute d'être si favorablement jugée par M. Fingret, elle ne pouvait s'empêcher de craindre qu'il ne la jugeât trop bien. Elle maudit son orgueil et regretta de ne s'être pas annoncée simple bourgeoise. Mais de tout mauvais vice, un esprit habile se tire avec avantage. « Pas de neuf, monsieur, » dit-il, « je n'en veux pas. » « Madame a sans doute quelques appartements d'amis à meubler. »« Vous l'avez dit, monsieur, un appartement d'amis. »« Or, vous comprenez que pour un appartement d'amis, à merveille !»« Que madame choisisse !» répliqua Fingret, rusé comme un marchand de Paris, lequel ne met pas d'amour-propre à vendre du neuf plutôt que du vieux s'il peut gagner autant sur l'un que sur l'autre. « Ce petit meuble bouton d'or, par exemple ?» demanda la comtesse. « Oh, mais c'est peu de choses, madame, il n'y a que 10 pièces. »« La chambre est médiocre, » repartit la comtesse. « Il est tout neuf, comme peut le voir, madame. »« Neuf, pour de l'occasion. »« Sans doute, » fit M. Fingret en riant. « Mais enfin, tel qu'il est, il vaut 800 livres. » Ce prix fit tressaillir la comtesse. Comment avouer que l'héritière des Valois se contentait d'un meuble d'occasion, mais ne pouvait le payer 800 livres? Elle prit le parti de la mauvaise humeur. « Mais, s'écria-t-elle, on ne vous parle pas d'acheter, monsieur. Où prenez-vous que j'aille acheter ces vieilleries? Il ne s'agit que de louer, et encore. » Fingret fit la grimace, car insensiblement, la pratique perdait de sa valeur. Ce n'était plus un meuble neuf, ni même un meuble d'occasion à vendre, mais une location. « Vous désireriez tout ce meuble bouton d'or ? » dit-il. « Est-ce pour un an ?»« Non, pour un mois. J'ai un provincial à meubler. » « Ce sera 100 livres par mois, » dit Maître Fingret. « Vous plaisantez, je suppose, monsieur, car à ce compte, au bout de 8 mois, mon meuble serait à moi. »« D'accord, madame la comtesse. Eh bien, alors ? Eh bien, alors, madame, s'il était à vous, il ne serait plus à moi, et par conséquent, je n'aurais pas à m'occuper de le faire restaurer, rafraîchir, toute chose qui coûte. » Madame de la Motte réfléchit. « 100 livres pour un mois, » se dit-elle, « c'est beaucoup. Mais il faut raisonner. Ou ce sera trop cher dans un mois, » et alors j'en les meubles en laissant une grande opinion au tapissier, ou dans un mois je puis commander un meuble neuf. Je comptais en payer 500 à 600 livres. Faisons les choses en grand, dépensons 100 écus. Je garde, dit-elle tout haut, ce meuble bouton d'or pour un salon, avec tous les rideaux pareils. Oui, madame, et les tapis, les voici. Que me donnerez-vous pour une autre chambre? Ces banquettes vertes, ce corps d'armoire en chêne, ces tables à pieds tordus, des rideaux verts en damas. Bien. Et pour une chambre à coucher? Un lit large et beau, un coucher excellent, une courte pointe de velours brodée rose et argent, rideau bleu, garniture de cheminée un peu gothique, mais d'une riche dorure. Toilette? Dont les dentelles sont de maline. Regardez-les, madame. Commode d'une marqueterie délicate, chiffonnier pareil, sofa de tapisserie, chaise pareille, feu élégant, qui vient de la chambre à coucher de madame de Pompadour à choisir. Tout cela pour quel prix? Un mois, oui. 400 livres. « Voyons, monsieur Pingret, ne me prenez pas pour une grisette, je vous prie. On n'éblouit pas les gens de ma qualité avec des drapeaux. Voulez-vous réfléchir, s'il vous plaît, que 400 livres par mois valent 4 800 livres par an, et que pour ce prix, j'aurai un hôtel tout meublé ?» Maître Pingret se gratta l'oreille. « Vous me dégoûtez de la place royale, » continua la comtesse. « J'en serai au désespoir, madame. Prouvez-le. Je ne vais donner que 100 écus de tout ce mobilier. » Jeanne prononça ces derniers mots avec une telle autorité que le marchand songea de nouveau à l'avenir. « Soit, » dit madame. « Et à une condition, maître Fingret. »« Laquelle, madame ?»« C'est que tout sera posé, arrangé dans l'appartement que je vous indiquerai d'ici à 3 heures de l'après-midi. »« Il est 10 heures, madame. Réfléchissez-y. 10 heures sonnent. Est-ce oui ou non ?»« Où faut-il aller, madame ?»« Rue Saint-Claude, Marais. »« À 2 pas, précisément. » Le tapissier ouvrit la porte de la cour et se mit à crier « Sylvain, Landry, Rémy !» 3 des apprentis accoururent, enchantés d'avoir un prétexte pour interrompre leur ouvrage, un prétexte pour voir la belle dame. « Lessivière, messieurs, les chariots à bras. Rémy, vous allez charger le meuble bouton d'or. Sylvain, l'antichambre dans le chariot, tandis que vous, qui êtes soigneux, vous aurez la chambre à coucher. Relevons la note, madame, et s'il vous plaît, je signerai le reçu. » « Voici 6 doubles louis, » dit la comtesse, « plus 1 louis simple. Rendez-moi. »« Voici 2 écus de 6 livres, madame. »« Desquels je donnerai l'un à ces messieurs si la besogne est bien faite, » répondit la comtesse. Et ayant donné son adresse, elle regagna la brouette. 1 heure après, le logement du 3e était loué par elle, et 2 heures ne s'étaient pas écoulées que déjà le salon, l'antichambre et la chambre à coucher se meublaient et se tapissaient simultanément. L'écu de 6 livres fut gagné par messieurs Landry, Rémy et Sylvain à 10 minutes près. Le logement ainsi transformé, les vitres nettoyées, les cheminées garnies de feu, Jeanne se mit à sa toilette et savoura le bonheur 2 heures, le bonheur de fouler un bon tapis autour de soi, la répercussion d'une atmosphère chaude sur des murailles ouatées et de respirer le parfum de quelques giroflées qui baignaient avec joie leurs tiges dans des vases du Japon, leurs têtes dans la tiède vapeur de l'appartement. Maître Fingret n'avait pas oublié les bras dorés qui portent les bougies. aux deux côtés des glaces, lustre à girandole de verre, qui, sous le feu des cires, s'irise de toutes les nuances de l'arc-en-ciel. Feu, fleurs, cire, roses parfumées, Jeanne employa tout à l'embellissement du paradis qu'elle destinait à son excellence. Elle donna même ses soins à ce que la porte de la chambre à coucher, coquettement entr'ouverte, laissa voir un beau feu doux et rouge, au reflet duquel reluisaient les pieds des fauteuils, le bois du lit et les chenets de Madame de Pompadour, tête de chimère sur lesquelles avait posé le pied charmant de la marquise. Cette coquette de Jeanne ne se bornait pas là. Si le feu relevait l'intérieur de cette chambre mystérieuse, si les parfums décelaient la femme décelait une race, une beauté, un esprit, un goût digne d'une éminence. Jeanne mit dans sa toilette une recherche dont M. de Lamotte, son mari absent, lui eut demandé compte. La femme fut digne de l'appartement et du mobilier loué par Maître Fingret. Après un repas qu'elle fit léger, afin d'avoir toute sa présence d'esprit et de conserver sa pâleur élégante, Jeanne s'ensevelit dans un grand fauteuil à bergerie, près de son feu, dans sa chambre à coucher. Un livre à la main, une mule sur un tabouret, elle attendit, écoutant à la fois les tintements du balancier de la pendule et les bruits lointains des voitures qui troublaient rarement la tranquillité du désert du Marais. Elle attendit. L'horloge sonna 9 heures, 10 et 11 heures. Personne ne vint, soit en voiture, soit à pied. 11 heures. C'est pourtant l'heure des prélats galants qui ont aiguisé leur charité dans un souper du faubourg et qui, n'ayant que 20 tours de roue à faire pour entrer rue Saint-Claude, s'applaudissent d'être humains, philanthropes et religieux à si bon compte. Minuit sonna lugubrement aux filles du calvaire. Ni prélats, ni voiture. Les bougies commençaient à pâlir. Quelques-unes envahissaient en nappe diaphane leurs patères de cuivre doré. Le feu, renouvelé avec des soupirs, s'était transformé en braise, puis en cendre. Il faisait une chaleur africaine dans les deux chambres. La vieille servante qui s'était préparée grommelait en regrettant son bonnet à ruban prétentieux dont les nœuds, s'inclinant avec sa tête quand elle s'endormait devant sa bougie dans l'antichambre, ne se relevait pas intact, soit des baisers de la flamme, soit des outrages de la cire liquide. À minuit et demi, Jeanne se leva toute furieuse de son fauteuil, qu'elle avait plus de 100 fois dans la soirée quittée, pour ouvrir la fenêtre et plonger son regard dans les profondeurs de la rue. Le quartier était calme comme avant la création du monde. Elle se fit déshabiller, refusa de souper, congédia la vieille, dont les questions commençaient à l'importuner. Et seule au milieu de ses tentures de soie, sous ses beaux rideaux, dans son excellent lit, elle ne dormit pas mieux que la veille, car la veille, son insouciance était plus heureuse. Elle naissait de l'espoir. Cependant, à force de se retourner, de se crisper, de se raidir contre le mauvais sort, Jeanne trouva une excuse au cardinal. D'abord celle-ci. Qu'il était cardinal, grand aumônier, qu'il avait mis l'affaire inquiétante et par conséquent plus importante qu'une visite rue Saint-Claude. Puis cette autre excuse, il ne connaît pas cette petite comtesse de Valois, excuse bien consolante pour Jeanne. Oh certes, elle ne se fût pas consolée si M. de Rohan eût manqué de parole après une première visite. Cette raison, que se donnait Jeanne à elle-même, avait besoin d'une épreuve pour paraître tout à fait bonne. Jeanne n'y tint pas. Elle sauta en bas du lit, toute blanche qu'elle était dans son peignoir, et alluma les bougies à la veilleuse. Elle se regarda longtemps dans la glace. Après l'examen, elle sourit, souffla les bougies et se recoucha. L'excuse était bonne.